La noirceur gagne du terrain, une fois dans 100 perdu mille. La justice s'est tombée, la police ses associés. C'est la corruption des grands quartiers. Si tu tombes, y'a personne pour te relever. Importe ce que tu fais, garde la foi en ton esprit. Check le jour, c'est à son bris. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on vit? Garde les choses faites, check, pas de pause, mec. Ta planète fait sec, gauche, droite. Mon élite précise, t'es dans zone de nuit. Faut que tu cours vite, une vapeur poison, rattrape les narcotiques. Pas de fric, pas de cash, usage à double face. Le démon nous laisse sa trace, une équipe vous laisse à marre. Tireur de précision, caisse de foi devant notre son, notre fondation. Si tu fonces en action, faut que tu fonces dans l'action. Dans la nuit, on défonce dans l'action. Dans l'action. Dans l'obscurité, y'a plus personne qui est différent. Une fois le micro branché, c'est l'octogone, choisit son camp. On vit dans brune, tellement qu'on fume. On fuck you wanna be. À chaque jour, on vit dans l'une, puis on essaie de comprendre la nuit. Dans l'obscurité, y'a plus personne qui est différent. Une fois le micro branché, c'est l'octogone, choisit son camp. On vit dans brune, tellement qu'on fume. On fuck you wanna be. À chaque jour, on vit dans l'une, puis on essaie de comprendre la nuit. Mon destin nocturne me rappelle un soir de pleine lune. La mise des morbides, c'est l'underground qui se formule. Ma formule, en tant que nécromancier, j'mange j'ai mon diplôme. C'est pas moi qui veux se cacher, pourquoi j'vois pas le soleil qui plombe. La noirceur du site fait qu'on s'y entend qu'ami. Camouflé dans vibe, c'est là que j'évite la félonie. J't'invite comme un ami. Mes sens remplis d'idées mystiques, j'suis aussi fat dans l'industrie que celui qui se tient en haut de la liste. Y'a pourtant tant d'MC. Le royaume abandonné, le mouvement rend pour ta vie. Y'a ceux qui affrontent l'obscurité, le mic c'est ma gâchette. Je veux pour plus que tu bouges. Avec le fantôme spectre. Mets tes lunettes infrarouges. Dans l'obscurité, y'a plus personne qui est différent. Une fois le micro branché, c'est l'octogone, choisit son camp. On vit dans brune, tellement qu'on fume. On fuck you wanna be. À chaque jour, on vit dans l'une, puis on essaie de comprendre la nuit. Dans l'obscurité, y'a plus personne qui est différent. Une fois le micro branché, c'est l'octogone, choisit son camp. On vit dans brune, tellement qu'on fume. On fuck you wanna be. À chaque jour, on vit dans l'une, puis on essaie de comprendre la nuit.